Je l'avoue, je sélectionne les patients auxquels je pose mes questions. Je ne vais pas demander à celui au fond de son lit qui pleure à chaudes larmes comment on fait pour être heureux, ce serait pas très sympa de ma part. Je vais vous parler dans cet épisode de ceux qui ont été lumineux, rayonnants, chaleureux, ceux qui ont transpiré l'optimisme au milieu de leur épreuve et qui, tout près de leur mort, regardaient leur vie avec sérénité et un sentiment d'accomplissement presque général. Parce que oui, il y en a des personnes comme ça. Leur demander conseil, c'est aussi leur dire, à ceux qui pensent être parfaitement normaux et sans histoire, qu'ils ont en eux un trésor auquel je m'intéresse, une sagesse dont je souhaite bénéficier. Avant de leur demander tout cela, je tâte le terrain. Le but n'est pas de les mettre face à leurs difficultés ou leurs épreuves. Et quand ils me répondent, étonnés de mon intérêt, « Mais ça vous intéresse, ce que je pense ?» J'adore leur répondre, « Bien sûr, comment je suis censée ne pas me tromper dans la vie si personne ne m'aide ?» Alors oui, il y a des vertus à l'échec et nous y reviendrons avec certains autres malades. Mais j'essaie de gagner un peu de temps et avoir des petites astuces pour ne pas avoir trop de regrets au moment de ma propre mort. C'est d'ailleurs peut-être inconsciemment pour ça que je suis à ma place auprès des mourants. Mais d'abord, d'après mes philosophes ordinaires, mes philosophes de l'expérience et du vécu, mes philosophes de l'épreuve, ceux qui ont encaissé sans se briser totalement l'annonce de leur corps bientôt vaincu, des adieux à venir, et qui ont souvent auparavant fait face aux traitements ravageurs et aux montagnes russes d'émotions et de ressentis que tout cela entraîne, d'après eux, comment on fait pour être heureux? Et d'abord, ça veut dire quoi être heureux? Quand j'évoque cette question, quelques personnes me reviennent à l'esprit, et je vais vous parler d'elles. D'abord, il y a la vieille dame corse à l'accent prononcé qui revendique fièrement ses origines et qui, en nous parlant de sa terre natale, amène dans sa chambre et sur nos visages le soleil qui règne souvent sur les paysages qu'elle décrit. Elle n'a pas tout à fait intégré la gravité de sa maladie et de son état et nous n'insistons pas sur ce point. Certains préfèrent ne pas trop voir et nous avons à cœur de le respecter, cela fait partie de sa façon de faire face et de se protéger. Nous la laissons aller à son rythme en accompagnant ses épreuves et ses questionnements au jour le jour. Elle partage sans cesse les gâteries qu'apporte sa famille, elle aime que nous venions nous asseoir et papoter dans sa chambre, elle nous invite à regarder la télé. L'image qu'elle veut renvoyer aux autres va dans ce sens. Elle aime être bien coiffée et se décourage parfois devant le reflet qu'elle trouve dans le miroir. Alors je lui glisse qu'elle est très jolie et que je vois en elle une beauté qui m'éblouit. Elle croit que je me moque d'elle et elle ronchonne un peu sur le moment avant de rire avec moi. Peut-être que je voulais la taquiner. Dédramatiser l'épreuve du reflet que je sais très déstabilisante pour beaucoup de patients quand la maladie a transformé un corps qu'ils ont du mal à s'approprier et à reconnaître comme le leur. Avec le recul et plusieurs mois après sa mort, je réalise à quel point le souvenir que j'ai d'elle est teinté de lumière et je me dis que mes mots étaient plutôt justes, même si la pudeur nous empêchait d'aller plus loin dans l'échange. Elle, quand je lui parle du bonheur, elle dit qu'elle ne sait pas trop. Je sens bien vite que c'est juste que personne ne lui a jamais vraiment donné la parole. Alors j'insiste un peu. Elle me regarde en me qualifiant de coquine, et elle me donne son petit secret à elle. Pour être heureux, il faut avoir un cœur accueillant. Elle l'a incarné dans sa vie jusqu'à sa mort, et tout ce que je perçois d'elle rend l'autre bienvenu auprès d'elle. Dans la catégorie de patients que je vais intituler affectueusement « les petites vieilles pétillantes », dont la rencontre précédente fait partie, je vais vous présenter leur chef incontesté, que dis-je, leur reine indétrônable, leur chef de gang, leur présidente élue à l'unanimité. Elle aussi, elle papote beaucoup, répond à mes questions, raconte toute sa vie avec bonheur, une vie pétrie d'amour et de simplicité, avec un cœur aussi grand que son caractère et sa détermination. Tout ce que j'aime, quoi. Elle est toute fluette dans son lit, elle semble perdue dans autant d'espace. C'est une ancienne danseuse, ça se sent dans chaque fibre de son corps, dans sa façon de bouger, sa façon d'être elle-même. Sa maladie lui a calé un ventre lisse, parsemé de veines un peu trop dilatées pour être normale, un ventre rond comme un ballon de basket qui paraît être celui d'une femme enceinte qui a passé le terme. Quand je lui demande comment on fait pour être comme elle, aussi pétillante et joyeuse, pour rester heureuse dans les épreuves, elle me répond « il faut faire preuve d'une certaine rondeur de vie ». Je rigole parce qu'elle dit ça en se caressant le ventre et je me demande lequel, entre notre corps et notre esprit, influe le plus sur notre façon de vivre. Je lui demande ce que ça veut dire, ce secret qui me semble si joli. Elle perd un peu les mots, elle avait choisi les bons la première fois, elle ne sait plus lesquels mettre maintenant. Et elle me répond cette explication à laquelle je pense très souvent. Il faut savoir discerner ce qui est important de ce qui ne l'est pas, ne pas s'occuper de ce qui ne l'est pas et se battre de toutes ses forces pour ce qu'il est vraiment. Cette notion de rondeur de vie est devenue pour moi quelque chose d'essentiel que j'ai vraiment adopté et que j'essaye de garder sous les yeux chaque jour. se doutait-elle, la petite danseuse, qu'elle aurait autant d'impact sur quelqu'un, sur sa petite infirmière de 25 ans. Je suis heureuse de partager son secret et je suis sûre qu'elle m'aurait dit un truc du genre « Mais quel intérêt de partager ce que je pense ?» Et pourtant c'est si important. Identifiez ce qui est vraiment important pour vous, quelles sont vos priorités et ne laissez rien ni personne prendre une part trop grande là-dessus. Quand on a trouvé ses trésors, on ne les laisse ni s'abîmer, ni se les faire voler, même si on peut quand même les partager. Il y a un autre patient dont je voudrais vous parler et qui pour moi amène des éléments importants dans ma perception plus construite du bonheur depuis que j'ai ce poste. Un homme cette fois. Comme les deux malades précédentes, il est d'un âge avancé mais d'une jeunesse d'esprit déconcertante. Avec lui, c'est musique à fond, on chante comme des ânes, ça inonde tout le service. Une opération chirurgicale a créé un petit orifice à la base du cou, par lequel ce qu'il avale ressort, une façon de contourner la maladie et de pouvoir pour lui continuer à avoir du goût. Il a une petite poche de recueil collée pour récupérer tout ça, que l'on cache tous ses vêtements, et il mange essentiellement des fruits très mûrs qui glissent tout seuls. Il aime tellement ça que parfois sa poche saute tellement elle est remplie, et que même pendant que je m'occupe de le remettre au propre, il continue de manger et de boire, c'est un vrai enfer pour moi. Mais ça le fait tellement rire de me voir râler que j'en rajoute un peu et que je rigole discrètement. Il accepte après négociation de me laisser travailler quand même, l'espace de quelques instants. Lui aussi, il est lumineux, souriant et courageux dans son approche de la mort. Mais la leçon qu'il m'a donnée sur le bonheur, ce n'est pas lui qui me l'a transmise directement, ce sont ses proches. Je n'étais pas là au moment de sa mort, mais lorsque je prends mon poste, il est toujours dans sa chambre, dans son beau costume de marin, et toute sa famille et ses amis sont autour de lui. Dans ce moment où je les rencontre tous, même si j'en connaissais déjà certains, cette fois ils sont tous là et il y a toujours de la lumière malgré les larmes. Ils sont émus, ils ont mal, mais les rires sont tout de même là puisqu'ils se racontent leurs meilleurs souvenirs avec celui qui vient de les quitter. L'un d'entre eux viendra vers moi et me dira « Vous savez, il m'a appelé il y a 3 jours et il m'a dit « J'ai eu une bonne semaine de vacances, tout le monde s'est bien occupé de moi, je peux mourir maintenant ». De cette phrase, merveilleuse à recevoir comme soignant de soins palliatifs puisqu'elle résume la réussite de ma mission, j'en tire une chose. L'importance de prendre soin de soi et de laisser les autres prendre soin de soi. Avec cela va aussi ce qu'ont incarné les proches de cet homme, l'importance de bien s'entourer de gens qui nous veulent du bien. Laissez-vous aimer, cela vous permettra d'aimer en retour, et l'inverse est aussi vrai. Donc pour résumer, dans cet épisode, nous aurons appris que pour être heureux, il nous faut ouvrir notre cœur aux belles personnes, les aimer très fort et nous laisser aimer par eux, s'occuper de soi pour aussi bien s'occuper des autres, faire l'effort d'essayer de se connaître, d'identifier ce qui compte et de ne pas avoir peur de se battre pour cela, et envoyer valser tout ce qui n'est pas concerné par les points précédents. Enfin, ce n'est pas moi qui le dis, c'est ceux qui vont mourir. Express the same things but with different words. We acknowledge the same curve and those might have hurt. It's like the last line you draw to remind a past time. A fast-minded feeling of freedom, please to be recognized. And I get it, your doctor's calling from here to saying kill bias and dependency and ocular seal, cause he armed himself with stealthy mass appeal. Where's my muse? If it's like every word slipping through my mouth has been used. Stagnant like the old man feeding a dirt. With my glass I reflect and have the things that I've learned. A windowless frame in a transparent room, filling up cracks with plastic assumes. A shapeshift, a nuance, a venue. Stop dreaming cause this ain't over. Wreck up your life until you get sober. Don't stop dreaming cause this ain't over, my friends. Don't stop dreaming cause this ain't over. Wreck up your life until you get sober. Don't stop dreaming cause this ain't over, my friends. I've risen myself as I walk along the weary, moldy watching. I found myself staring, building up an empire of my great desire. From my thought process takes me higher, higher and higher, ain't stopping there. My avalanche collar starts over there. And I've got the solitary key to go through. Gray and delicious, but traps can be so vicious.